بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Aujourd'hui, ça va être, nous allons rentrer dans le hadith الثامن, le 8e hadith, et également التاسع, car les explications, alhamdoulilah, sont assez courtes. Donc, inshallah, nous allons pouvoir lier, joindre entre deux hadiths en un même cours. Du fait que certains hadiths eux-mêmes ont été divisés en plusieurs cours, il se peut que parfois certaines explications soient assez brèves du shir, donc on pourra joindre deux hadiths en un même cours, inshallah. Donc le premier hadith des deux d'aujourd'hui, qui est le huitième, qui est le hadith de Ibn Omar, qui est venu pour démontrer le combat à mener contre les koufars, hein, du fait que la religion d'Allah soit appliquée et établie sur terre. Donc il dit, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة أو عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام وحسابهم على الله. Donc selon Ibn Omar, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent, hein, qu'il n'y ait pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, la ilaha illallah, et que Muhammad est le message d'Allah. Qu'ils accomplissent sa salat, qu'ils s'acquittent de la zakat. Et que s'ils font cela, alors ils seront préservés de moi, c'est-à-dire leur sang et leurs biens. Hormis, hein, dans les droits de l'islam. Et que leur compte revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir commence en disant Al-maqsoudu bin-nasi fi hadha al-hadithi ahlul shirk wal-kuffar wal-kufr billah wa lam yu'tu al-jizya. Qala ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffar wa yajidu fikum ghilza. Wa qala subhanahu وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. فلفظ الناس هنا عام يراد به الخصوص. Donc il dit le sens voulu ici par les gens dans ce hadith, ce sont les gens du shirk et du kufr, ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Tant qu'ils ne donnent pas la jizya, c'est-à-dire l'impôt légal, comme cela est propre aux gens du livre, qui désiraient s'installer en pays d'islam, hein, la base dans l'islam, c'est qu'ils doivent payer la jizya, un impôt légal. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, ô vous qui avez cru, combattez ceux qui sont près de vous parmi les koufars, et qu'ils trouvent en vous de la rudesse. Et il dit dans le sens, combattez ceux qui ne croient pas en Allah, ni au jour dernier, et qui ne rendent pas illicite ce que Allah et son messager ont rendu illicite, et qui ne se tiennent pas sur la religion de vérité, parmi ceux qui lisent le livre, jusqu'à ce qu'ils donnent l'impôt légal et jizya, hein, alors qu'ils sont avilis. C'est-à-dire qu'ils donnent cet impôt en étant rabaissés devant les gens de l'islam. Ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas de pouvoir sur eux. Et ici, le sens voulu par les gens, c'est un mot général qui englobe un sens spécifique, qui est qui vise les koufars et les mouchriquins. Naam. Wa qad thabata fi hadith Burayda anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lahum ughzu bismillah qatilu man kafara billah. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit combattez au nom d'Allah, hein, partez en conquête au nom d'Allah et combattez ceux qui ont mécru en Allah. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأتين وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وكذلك الشيوخ Kibar sin, la yuktaluna, illa idha kana lahum tadbir fil harb wa mashura. Fa yuktaluna linnahi fi thalika. La yuktaluna linnahi fi thalika. Illa idha qatalu, fa yuktaluna taba'an wa la istiklalan. Idha lam yatamayyizu. Li hadithi, As-Sa'b ibn Jithama, fi sahihain, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, su'ila an ahli dar, yabituna min mushrikin. فيصيب من نسائهم وذرارهم وذراريهم فقال هم منهم. Donc il dit, le shir, qu'une fois, lors d'une guerre, lors d'une conquête du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme a été trouvée morte. Elle a été trouvée morte, elle est parmi les femmes des ennemis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de tuer les femmes, les enfants et les personnes âgées. Hein? Il ne faut pas les combattre, hormis dans le cas où, ils auraient une contribution dans la guerre, hein, et qu'ils participent au combat. Donc ils ne doivent pas être tués pour cause de cette interdiction émise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, si jamais ils participent, hein, qu'ils apportent leur part au combat, qu'ils apportent leur aide, sous quelque forme que ce soit, alors là, ils doivent être combattus. Non. Et également parmi les gens qui ne sont pas combattus lors des conquêtes, également si on devait trouver un rabbin ou un prêtre dans son lieu d'adoration, c'est-à-dire le rabbin dans sa synagogue ou le prêtre dans son église. Ceux-là, hein, s'ils se réfugient, ils ne doivent pas être tués ni combattus. Cependant, par rapport au fait que ceux qui participent au combat, parmi eux, qui restent au milieu des guerriers, alors eux, s'ils sont tués, ni nul grief celui qu'ils aura tué. Si on n'arrive pas à distinguer entre les hommes et les femmes et les enfants du fait qu'ils sont tous mélangés en une seule troupe, hein, donc là, s'ils sont tués, il n'y a pas de mal sur celui qui l'aura fait. Par la preuve du hadith de As-Sa'b ibn Jithama, dans les deux authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les gens qui combattent les koufars, on va dire, de nuit, hein, un combat nocturne, durant lequel on peut distinguer entre les gens. Et parmi dans ces combats-là, ils atteignent les femmes ainsi que les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils font partie d'eux. C'est-à-dire les femmes et les enfants font partie des ennemis. Donc c'est-à-dire que lors d'un combat, les femmes et les enfants doivent être mis à part ou être mis à l'abri. Mais s'ils restent au milieu des guerriers, alors là, ils en subiront les conséquences. Qawluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Donc sa parole, jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait pas de divinité digne d'être adorée ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. Qatalahum ala tawhidillah subhanahu bi amrillahi kama qala ta'ala uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. C'est-à-dire qu'il l'a combattu pour le tawhid d'Allah sous son ordre, par décret d'Allah. Il a été autorisé à ceux qui combattent du fait qu'ils aient été opprimés. Hein, et que certes Allah est tout à fait capable de les secourir. On voit que le fait de se défendre, hein, le fait de se défendre, est une forme d'application du tawhid. Le musulman qui se défend est mujahid. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man qutila dun malihi wa 'irdihi fa huwa shahid. Que celui qui est tué en défendant ses biens ou son honneur, hein, c'est un martyr. قوله وأن محمد رسول الله. Et sa parole que Mohammed est le message d'Allah. لا إله إلا الله من لازمها أن محمد رسول الله. لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله وهو يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصير كافرا بجميع الأنبياء. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc la parole la ilaha illallah implique, hein, de façon irrémédiable, que Mohammed est le messager d'Allah. On peut dire, c'est-à-dire là dans la umma après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas possible qu'une personne dise la ilaha illallah sans également reconnaître que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne suffit pas de prononcer la première partie de la shahada, tout en mécroyant au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car en cela, il deviendrait quoi? Kafir. Et s'il mécroit en un seul, il mécroit en tous. Comme nous l'avons déjà pris dans un hadith précédent, celui qui mécroit en un seul prophète a mécrit en tous. Comme le prouve la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit, certes ceux qui mécroient en Allah et en son messager et qui veulent diviser entre Allah et ses messagers et qu'ils prétendent que nous croyons en certains et nous mécroyons en d'autres et qui veulent prendre sur cela une voie intermédiaire, ceux-là sont réellement les mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant, dur. Donc cela a déjà été pris précédemment, que celui qui mécroit en un seul messager a mécru en tous. Donc aujourd'hui, celui qui vient et qui fait l'attestation « La ilaha illallah », il lui est obligatoire de reconnaître que Mohammed est le message d'Allah. Pourquoi? Comment a-t-il connu cette shahada, si ce n'est par le biais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas pu le connaître. Et s'il croit en Allah, il croit en Coran. Et ce Coran a été descendu sur qui? Sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Coran ne peut être appliqué si ce n'est par la sunna, le suivi de la sunna. Car dans le Coran, vous le savez, on en a déjà parlé, il y a des versets généraux qui méritent d'être détaillés. Et ce détail ne nous provient que par le biais de la sunna. Donc celui qui prétend adorer Allah seul, sans lui attribuer d'associé, est obligé de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قوله ويقيم الصلاة وكيل يتبلي وكيل يكمل الصلاة. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc Allah dans le sens il dit que si ils accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, alors ils seront vos frères en religion. مفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين. لا سيما إذا امتنع عن الزكاة Khasa juhudan wa'inada. Donc, on comprend de ce verset que celui qui n'accomplit pas la salat et qui ne s'acquitte pas de la zakat, que ceux-là ne sont pas nos frères en religion. Surtout s'il refuse de s'acquitter de la zakat par obstination et en rendant cela licite. Le fait de ne pas la donner comme étant licite. Ceci n'est pas obligatoire. أما الصلاة ففيها أدلة على كفر تاركها مثل حديث من تركها فقد كفر. Et quant à la salah, il est connu que celui qui la délaisse a mécru. Celui qui délaisse sa salat est un kafir. Comme le prouve le hadith, من تركها فقد كفر. Celui qui l'a délaissé a certes mécru. Un hadith rapporté, j'ai oublié en tout cas dans Sahih Muslim. Il y a plein de hadith qui viennent sur le sujet. On sait qu'il y a divergence sur ce point. Mais l'avis le plus prépondérant est que celui qui délaisse sa salat n'est pas une personne de l'islam. Et également parmi la dilemme qu'on pourrait ajouter à ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur, je ne me rappelle plus vraiment du lof du hadith en arabe, qu'à l'avenir, il y aura des gens qui viendront gouverner les muslimines, d'accord, et qui feront des choses mauvaises. Alors, il sera interrogé, est-ce que nous sortirons sur eux, c'est-à-dire est-ce que nous les destituerons de leur pouvoir? Le prophète sallam a dit, non, tant qu'ils accomplissent la salat. Sallu. Tant qu'ils font la salat, on ne sort pas sur eux. Et pourtant, il est connu que quoi? Qu'il n'est pas permis de sortir sur le gouverneur. Et là, il a mis quoi comme condition? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'ils n'accomplissent pas la salat. Autant plutôt, enfin le contraire, tant qu'ils accomplissent la salat. Donc ça, c'est encore une preuve qui appuie que le musulman à la base, le gouverneur musulman, on ne sort pas sur lui dans l'absolu. Donc le fait qu'il ne fasse pas la salat est une chose qui amène à la sortie de l'islam, ce qui amène la permission de sortir sur lui, mais avec des conditions. Même le gouverneur kafir, on ne sort pas sur lui n'importe comment. Il y a des conditions qui ont été émises par les savants. Et ça, c'est un autre sujet. La ilaha illallah, hatta al-munafiquna qaluha, wa ma qatalahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'an Allah atla'ahu ala ba'di. Donc, la shahada, la ilaha illallah, même des munafiqun l'ont prononcé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas combattus. Alors que Allah lui a fait découvrir, c'est-à-dire certains d'entre eux, qu'ils étaient des munafiqun. Qala ta'ala, wa min ahli al-madina maradu ala al-nifaq, la ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum, sanu'adhibuhum maratayn, thumma yuradduna illa 'adhabin 'azim. Dit dans le sens, parmi les gens de Médina, certains sont engouffrés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, cependant nous les connaissons. Et nous les châtirons deux fois Ensuite, ils seront renvoyés à un dur châtiment. Des parts de qui? Des munafiqoun que seul Allah connaît. فَوَا مَا يَعْلَمُ جَمِيعَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِحَالِ بَعْضِ الْمُنَافِقِينَ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas tous les munafiqins, juste certains d'entre eux, que Allah lui a fait connaître. Hein? Que Allah lui a fait connaître. مَا قَتَلَهُمْ وَهُمْ مُنَافِقُونَ يَعْلَمُهُمُ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَلَئِنْ قَتَلَ مَنْ يَقُولُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ فَسَيَقُولُونَ مُحَمَّدْ يَقْتُلُ أَصْحَابَهِ مَعَ أَنَّهُمْ مَعَهُ فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لأنهم يظهرون شعار الدين في الظاهر وحسابهم على الله والمقصود بالمنافقين هنا الاعتقاديين الذين لا ينفعهم التلفظ بقول لا إله إلا الله. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم ne les a pas combattus, ces munafiqun, du fait qu'ils ont prononcé la shahada et qu'ils laissaient apparaître les signes de la religion, et cela en apparence. Donc il ne nous a pas combattu du fait qu'on ne dise pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tue ceux qui sont avec lui. Hein, c'est pour une maslaha. Ou quoi qu'il en soit, ces gens-là qui laissaient apparaître l'islam et renfermer le kufr intérieurement, eux, ils rendront des comptes yawm al-qiyam auprès d'Allah. Car Allah, il sait ce qu'il y a. Hein? Innahu alimun bidhati sudur. Il sait ce qui renferme les poitrines. Et ici, le sens voulu par les munafiqin, c'est al-i'tiqadiyun. C'est-à-dire que, comme vous le savez, vous l'avez dû prendre dans le Wajibat, dans le Ders du frère Mounir, où il explique la différence qu'il y a entre que le Nifaq, il est de deux catégories. Hein? Il y a celui qui est Amali et celui qui est Irtiqadi. Le Nifaq qui est Irtiqadi, c'est celui qui est le fait de laisser apparaître l'islam et de refermer le coufre à l'intérieur. Ça, c'est l'Irtiqadi. Et celui-là, il sort de l'islam. Celui qui a ce Nifaq en lui n'est pas musulman. Et l'autre, c'est l'amali, celui qui laisse apparaître le contraire de ce qui est renfermé en lui. Hein? Celui qui est... ça, c'est le nifaq al-ashar. Il est moindre que le premier. Il est toujours grave. Hein? Il est blâmé en religion, il est interdit. Cependant, il ne sort pas son... Celui qui l'applique ne le sort pas de la religion. Et ces munafiqoun, comme le dit le shir, le fait qu'ils aient prononcé la shahada, cela ne leur est d'aucune utilité. Du fait que ce n'est qu'une des paroles sur la langue qui ne sont pas ressenties dans le cœur. قوله ويقيم الصلاة المقصود إقام الصلاة بأركانها وشروطها فلو أقام الظهر خمسا أو أقام المغرب أربعا أو أقام الفجر ثلاثا أو أربعة لا تقبل منه وليست بصحيحة بل هي باطلة وفعل ذلك متعدي لحدود الله. إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَا حَدَّدَهُ اللَّهُ أَوْ مَا حَدَّدَهُ رَسُولُ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوَرَدَ. Donc il dit dans le hadith et qu'ils accomplissent la salat. Le shir explique cette parole en disant que le but voulu ici, c'est la salat avec ses piliers, avec ses conditions, c'est-à-dire la salat de son intégralité, complète. Que si par exemple il faisait le dhor en faisant 5 rak'at, ou le maghrib en faisant 4, ou qu'il fasse le fajr en faisant 3 ou 4, que cette salat ne sera pas acceptée et qu'elle ne sera pas valide. Hein? Celle-ci ne sera pas valide. Donc, Iqam al-Salat, c'est la salat telle que nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? Qu'elle soit complète. Et celui qui agit de la sorte est une personne qui porte atteinte aux limites d'Allah. Que la salat a été décrétée, hein? Ses rites, ses conditions et ses piliers ont été décrétés man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, que celui qui apporte une chose nouvelle dans notre affaire n'en faisant pas partie, cela est rejeté. Et le hadith, nous l'avons déjà pris auparavant. Wa qawluhu yu'tu az-zakah az-zakatu innama tajibu ala fi an-nisab idha hala alayhi al-hawl. Donc il dit sa parole et qu'il s'acquitte de la zakat. La zakat n'est devenue obligatoire que pour celui dont le seuil aurait été atteint. Hein? La somme au bout d'une année, celle qui était atteinte, on va dire si cette somme a resté avec cette personne-là durant une année, lui doit sortir la zakat. Le tafsil sur la zakat, c'est un autre cours, Inch'Allah, on ne s'attarde pas dessus. Wa yamahdouda fi tis'atin ashiya ala sahih. Et que cette zakat est restreinte à 9 choses. Hein? Dans la parole la plus authentique, car il y a une divergence. Cependant, elle est prise de neuf choses. Elle est prise de l'or. Elle est chérie ici. Fils Zahabi, ou fils Da, ou fils Zabib, ou Tamr, ou Hinta, ou Shahir, ou Min el Mawashi, Min el Ibil, ou Bakar, ou Ronan. Donc il dit, elle est prise de l'or, elle est prise de l'argent, elle est prise du raisin, elle est prise des dattes, ainsi que du blé et de l'orge. Et également parmi le bétail, elle est prise des ovins et des bovins et des chameaux. Wal ashir al asel ja'at fihi ahadith lam tathbut minha shay'un falaysa fihi zakah. Et le dixième, sur lequel il y a divergence, c'est le miel. Et certains ahadiths qui sont venus qui ne sont pas authentiques, donc il n'y a rien qui prouve que on doit sortir la zakat du miel. Naam. Walau kana adh-dhahabu wal fidda huliyan wa balaha an-nisab wa hala 'alayhi al-hawl tajibu fihi az-zakatu wala as-sahih li hadithi ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة يحمى عليها في النار جهنم فيكوى بها جنوبه وحبين جنيبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Donc il dit que l'or et l'argent, s'ils sont sous forme de bijoux, de parures, et qu'ils atteignent le seuil, c'est-à-dire le nisab, hein, et que cette somme aura duré un an avec son propriétaire, alors il est obligé d'en sortir la zakat. Deux, dans la parole la plus authentique. Par preuve du hadith que nous avons cité dans un autre, je ne sais plus dans quel hadith, je crois que c'est dans le troisième, hein, l'arcane de l'islam, dans la zakat, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas un possesseur d'or et d'argent qui ne donne pas son droit, sans que le jour du jugement, ceci soit mis dans le feu de l'enfer, et par lequel il sera brûlé au flanc et au front, en un jour dont la durée sera équivalente à 50 000 ans, et ensuite il verra sa place destinée, est-ce que c'est le paradis ou le feu. Nous l'avons pris de le hadith déjà, avec également les ovins, les bovins, avec les chevaux, et ainsi de suite, si vous vous rappelez bien. Donc de là, on voit que le hadith dit « Sahib zahab wa la fidda » celui qui possède d'or ou d'argent, sans distinction qu'il soit des bijoux ou de la monnaie. Hein, cela englobe, c'est un « lov am », c'est un mot général qui englobe le tout. Il n'y a rien qui est venu pour différencier entre les bijoux, d'accord, et la monnaie. ففي الباب أدلة عامة وخاصة توجب الزكاة على حل المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ولا ينبغي أن تعارض بتلك الأحاديث الضعاف والأثر عن عيل المعصوم. Donc il dit il y a d'autres hadiths généraux, hein, et même spécifiques qui démontrent l'obligation de la zakat sur les bijoux de la femme si cela atteint le nisab, et que la somme a duré durant un an avec la personne, et qu'il ne convient pas de contester sur le sujet avec des hadiths faibles et des athars provenant d'une personne n'étant pas infaillible, c'est-à-dire des athars venus sûrement de Sahaba ou de Salaf qui contestent cela, qui voient qu'il n'y a pas de zakat à sortir sur les bijoux, mais certains de ces hadiths sont faibles et d'autres proviennent de hasard de personnes n'étant pas infaillibles sur qui la révélation n'a pas été descendue. Donc on n'a pas le droit de rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour autre que lui. وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَجِّ وَلَا الصِّيَامِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَتُخَذُ مِنْ أَدِلَّةِ الْأُخْرَى. Et également dans ce hadith, il ne cite pas le hajj ni le jeûne. Hein, il cite quoi seulement? وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ. Il ne cite que la salat et la zakat. Et il ne cite pas le hajj et le jeûne. Mais ceux-ci sont déduits et pris d'autres preuves extérieures. فَيُحْمَلْ هَدَ الْحَدِيثُ أَنَّهُ مِنْ أَحَدِيثُ أَوَائِلِ الْتَشْرِيعِ. Et également, on peut en tirer comme interprétation que ce hadith peut-être est venu parmi les premières périodes de la législation. Lorsque la législation se faisait établir, tout n'est pas venu d'un coup, comme vous le savez. Les choses sont venues par étapes, par échelons. Il se peut que ce hadith soit venu avant que le hajj ou le jeûne soit légiféré. وقد فردت بعد ذلك فرائض أخرى. Et que d'autres choses obligatoires sont venues par la suite. Hein? D'autres choses obligatoires sont venues par la suite. وعلى هذا فلا ينبغي أن تؤخذ الضرائب ولا الجمارك من المسلمين لأن أموالهم معصومة ولا الرشوة كذلك. كل المسلمين المسلمين حرام دامه وماله وعرضه. Donc de là, le shir dit qu'également, il n'est pas permis, il ne revient pas de prendre tout ce qui est impôts, taxes, douanes sur les muslimines, car leurs biens sont préservés, leurs biens sont sacrés. Hein? Et également, il n'est pas permis de prendre du rishwa, des pots de vin, comme on dit, comme il dit dans le hadith, tout musulman sur le musulman est haram, interdit, que ce soit son sang, son bien, ses biens ou son honneur. En ce qui concerne le rishwa, ce qui est le pot de vin, c'est un fléau aujourd'hui qui est fortement propagé en pays d'islam, auquel il n'est quasiment pas possible d'échapper. Que veut dire par le fait de rishwa? Le rishwa, qui est interdit, c'est celui qui te demande des biens, hein, injustement, pour te rendre ton droit. Ou que toi, tu proposes à quelqu'un de lui donner de l'argent afin de pouvoir prendre une chose qui ne te revient pas. Hein? Afin de pouvoir prendre une chose qui ne te revient pas. Cependant, si demain, toi, tu es contraint, tu veux récupérer un droit à toi et que celui qui possède ce droit, du moins celui qui a la capacité de te rendre son droit, te réclame cela en échange d'argent et que toi, tu lui donnes de l'argent, toi, tu n'as pas de péché commis. Le péché, c'est sur lui. Par exemple, demain, un exemple, quelqu'un t'a pris ton passeport. Hein? On t'a pris ton passeport en pays d'islam et il se retrouve bloqué chez des gens en particulier. Toi, tu veux le récupérer. Ces gens te disent non, ton passeport, on te le rend que si tu nous donnes tant et tant d'argent. Toi, en donnant cet argent-là, tu n'as pas fait un pot de vin. Tu ne le rends pas dedans. Pourquoi? Tu veux récupérer un droit que tu ne peux atteindre si ce n'est en donnant de l'argent à cette personne-là. Mais lui, si jamais il ne revient pas de droit de prendre de l'argent pour rendre le passeport, lui, il endossera le péché. Donc le choix, il faut bien faire attention, c'est quoi le pot de vin. Ne pas croire que tout ce que tu payes pour récupérer ton droit, ça rentre dedans que tu as commis un péché. Non. Fayakoul. Tamam. فلا يرى قدامه بغير حقه سواء بالضرب أو بغيره كما روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا أو سفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه ونسأل الله العافية فدماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين معصومة بعصمة الإسلام محرمة لا تنتهك إلا في حق سواء ماله أو دمه أو عرضه. Donc il dit qu'il n'est pas permis, c'est-à-dire pour prendre les biens des musulmans, hein, de le frapper ou de faire couler son sang sans droit. Comme cela a été rapporté dans le hadith par Muslim, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous qui est le perdant? Le mouflis, le perdant. Il dit, le mouflis, parmi nous, le perdant, c'est celui qui n'a pas d'argent ni de bien. Il dit, le mouflis de ma communauté, c'est celui qui viendra yomel qiyama avec de la zaka, c'est-à-dire qu'il sera acquitté de la zaka, et du jeûne, c'est-à-dire qu'il aura accompli du jeûne, et des salates, qu'il aura accompli des salates. Et que cependant, il aura frappé celui-ci, c'est-à-dire injustement, insulté celui-ci, ou fait couler le sang de celui-ci. Alors, on prendra, ouais, il aura pris également l'argent de celui-ci, injustement. Alors, on prendra de ses bonnes actions, hein, et elles seront mises sur celui à qui il aurait été injuste. Elles seront rendues à celui envers celui qui l'aurait opprimé. Et si jamais ses bonnes actions s'épuisent et qu'il n'en a plus, alors on prendra des mauvaises actions des gens à qui il aura fait subir des injustices, leurs mauvaises actions à eux, seront placées sur lui. C'est lui qui les endossera. Voilà, azbillah. C'est-à-dire que toi, à partir du moment où tu auras été injuste envers des gens, tu les auras frappés sans droit, insultés sans droit, pris leur, de leur bien sans droit, ainsi de suite, et bien que tu auras accompli tes obligations, Yom El Qiyama, on prendra de tes hasanet pour leur donner à eux, et si jamais tes hasanet s'épuisent, on prendra eux de leur seiyya, de leurs mauvaises actions, et elles seront placées sur toi. Ça, c'est un mouflis. Hein? Le pur déficit, le vrai déficit. Donc de là, les sang, le sang et les biens et les honneurs et l'honneur des musulmans sont préservés hein, par le droit de l'islam, qui n'est pas permis de les violer, si ce n'est avec droit, qu'il s'agisse des biens, du sang et de l'honneur. Fuma yaqul wal aslu fi a'rad al muslimin al hurma illa lima khussisa bid dalil shar'i bima yakhussu al muslimin min jarh liman yastahiqu al jarh liqul an nabiy sallallahu alayhi wasallam إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه. Donc il dit hein, comme nous l'avons déjà dit précédemment, que les biens, l'honneur et le sang des musulmans sont interdits, sauf et qui n'est pas permis de les violer. Et que l'origine, telle est l'origine de la chose, hein, par rapport aux musulmans. Que leurs biens, leur honneur et leur sang sont sacrés. Hormis dans ce qui est spécifié par un dalil, une preuve légiférée dans laquelle on peut prendre le bien du musulman, on peut faire couler son sang ou on peut toucher à son honneur. Comme une personne, par exemple, qui mériterait un jarh, une critique. Hein, une personne mauvaise, un mobtadir, un innovateur ou autre. Son honneur, lui, n'est plus préservé par rapport à la bid'ah qu'il aura accomplie. Et l'origine de cet interdit du bien et du sang et de l'honneur des musulmans est pris du hadith rapporté par Abu Bakr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Arafah, où il dit « Certes, vos sang et vos biens et vos honneurs sont interdits, hein, comme ou sacrés, on va dire, comme ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de Arafah, « Fi shahrikum hadha zil hijjah » Hein, dans votre pays, dans on va dire, cette terre qui est le Mecca. Après, il a dit à ses compagnons, ai-je retransmis? Ils ont dit, oui, tu retransmis. Donc il dit, ô Seigneur, ou Allah témoigne, ou Allah témoigne, ou Allah témoigne, que j'ai retransmis. Et le hadith muttafaqun alayh. Wa qawluhu, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa fi haqqiha. Donc la parole, ils auront certes protégé hein, de moi leur sang, ainsi que leurs biens, hormis dans les droits de l'islam. Haqquha misl qatl al-qatil. Qala ta'ala, wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Donc, parmi les droits de l'islam, par exemple, le fait de tuer le meurtrier. La parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le sens qui prouve, et vous avez certes dans le talion, hein, une préservation de la vie, ô vous les dotés d'intelligence. Donc le talion, an-nafs bin-nafs, celui qui tue, qui tue délibérément, il est en droit de le tuer. Il y a d'autres choses, hein, mais c'est un autre sujet. Wa qat yad as-sariq, le fait de couper la main du voleur. Qala ta'ala, was-sariq was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Et que le voleur et la voleuse coupez-leur la main tous les deux en rétribution de ce qu'ils ont accompli, hein, par décret d'Allah. Donc le voleur et la voleuse, le jugement est le même pour l'homme comme pour la femme. Wal muharib was-sa'i fil ard bil fasad. Li qouli Allah ta'ala, innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ard fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa'una min al ard. Donc également celui qui combat ou qui s'efforce de semer le désordre sur terre, hein, de semer le désordre sur terre en s'en prenant à Allah et à son messager, alors lui, Allah dans le sens, il dit que la sentence pour celui qui combat Allah et son messager et qui s'efforce à semer le désordre sur terre, alors qu'il soit tué ou crucifié et que ses pieds et ses mains soient coupés de sens inverse, c'est-à-dire la main droite et que tu coupes le pied gauche, ou l'inverse. Naam. Ou qu'il soit banni de la terre. Bannis du pays où ils sont. Telles sont les peines qu'encourent ceux qui ont combattu Allah et son messager, qui ont qui seront efforcés de semer le désordre sur terre. وَمَنْ شَقَّ عَصَى الْمُسْلِمِينَ Et celui qui aura divisé également hein, le rang des musulmans. Les hadiths, مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَكُمْ فَاقْتُلُوهُ كَأَيْنَ مَنْ كَانَ Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si celui qui vous vient alors que vous êtes tous unis et qui veut diviser entre vous, alors tuez-le qui qu'il soit. Hein? Tuez-le qui qu'il soit. وَإِذَا زَنَا بَعْدْ إِحْسَانْ يُرْجَمْ وَيُقْتَلْ لِمَا جَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّةِ وَمِنْهَا حَدِيثُ الشَّيْخ وَشَيْخَ إِذَا زَنِيَا فَرْجُمُهُمَا الْبَتَّةِ Donc également celui qui aura fait la fornication alors qu'il aura connu un mariage légiféré où il est dedans, où il aura connu auparavant, alors lui, il faut le lapider jusqu'à la mort. Il y a plusieurs preuves qui sont venues là-dessus, et parmi elles, le hadith, l'homme âgé hein, et la femme âgée, si jamais ils font zina, alors il faut les lapider jusqu'à la mort. Donc regardez, ce jugement s'applique même pour les personnes âgées. Alors que dire de ceux qui sont plus jeunes ? كانت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها. Et qu'il y avait auparavant un verset dans le Coran qui stipulait ce jugement qui était abrogé, dont la récitation, on va dire, la lecture est abrogée, elle a été enlevée, mais dont le jugement reste établi et effectif. وهكذا ما يتعلق ببقية الحدود وما كان من حق الإسلام يقاتلون عليه حتى ولو تركوا الأذان يجب على أولي الأمر أن يقاتلوهم على هذه الشعيرة أو تركوا صلاة العيدين يقاتلوهم ويقاتلوهم حتى يقيموها. Donc il dit également pour ce qui concerne tout ce qui touche à la législation de l'islam qui aurait été délaissée. Comme par exemple celui qui délaisse le fait de faire la veine, ou qui délaisse la salade des deux Eid. Hein? Tout ce qui touche aux emblèmes de l'islam, celui qui les délaisse, il revient, il incombe aux détenteurs du pouvoir de le combattre. قال تعالى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ceux à qui nous aurons donné autorité sur terre et qui feront accomplir la salat, ainsi que l'acquittement de la zakah, et qui ordonneront le convenable et réprouveront le blâmable, et que l'issue de toute chose revient à Allah. Donc là, il revient à ceux qui ont l'autorité de faire établir hein, les lois d'Allah, et que ces rites soient établis également, ce qui touche à la religion. Wa hadith, kulukum ra'in wa masul an ra'iyati, et que chacun d'entre vous est responsable de celui qui est sous sa charge. Muttafaqun alayhi. Wa qawluhu wa hisabu ala Allah. Hadha al-hadith fi ithbat al-hisab. Quant à sa parole, et leur compte revient à Allah, dans ce hadith, cela prouve que le règlement des comptes est une chose établie qui aura lieu yawm al-qiyamah. Donc de là s'achève l'explication du shir par rapport à ce hadith. Et tout ce qui concerne les sentences à appliquer sur les transgresseurs, qu'il s'agisse du fait de la peine de mort ou du fait de couper sa main, ainsi de suite, que des gens qualifient cela de barbares et de cruels, ce sont eux les barbares, les cruels. Lillahi al-hikmatul baliha, que Allah, il a la sagesse immense. Il sait, il connaît mieux ses créatures. Car si toi, tu ne crains pas Allah, hein, si ta crainte d'Allah est trop faible et t'empêche de ne pas transgresser ces interdits, et bien alors Allah fera en sorte que des gens établiront sur toi des actes qui, eux, te feront peur. Hein? Si tu n'as pas peur d'Allah dans le fait de voler, tu n'auras pas peur de ton châtiment yom l'akriyama, et bien en cette dunya, tu auras peur de perdre ta main. Donc on va te couper la main. Et il n'y a pas une personne qui n'aimerait pas avoir ses biens préservés, qu'ils soient un musulman ou un kafir. Donc il faut qu'ils arrêtent avec leur appel au scandale et à la révolte et à la diffamation de l'islam en disant que c'est une religion cruelle. Car qu'est-ce qu'il y a de pire ? Mettre un homme en prison à perpétuité, ce qui n'amènera pas forcément sa réforme, ou le tuer directement, car il se peut qu'Allah lui pardonne, si jamais c'est un musulman, on parle, hein. Il se peut qu'Allah lui pardonne, hein, ou il se peut qu'il le châtie. Alors qu'un prisonnier en prison, il n'y a rien qui prouve que cet homme va se réformer. Il se peut que justement en prison, il devienne pire encore, toute sa vie. Et de la prison même, il est connu que certains criminels, de leur cellule, arrivent à faire leur leur transaction illicite et interdite. Depuis leur cellule, ils ont tout ce qu'il leur faut, et même de là, il reste toujours des criminels. Donc son mal continue. Lui, il est en prison, on ne peut rien lui faire, et de là, il contrôle les choses. Alors qu'en islam, non. Si son crime amène à une peine de mort, alors il est exécuté. Et son mal s'arrête là, et après son compte, ses comptes reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le voleur, pareil, tu pourras prendre un voleur et le mettre en prison, t'as pas de garantie qu'il va pas recommencer en sortant de prison. Peut-être même en prison, il va apprendre d'autres choses pires encore que celle-ci. Il va apprendre d'autres choses abominables, d'autres turpitudes, qu'il ne faisait même peut-être même pas avant de sortir de prison, avant de rentrer en prison. Donc, si jamais sa main lui est coupée, comme il se doit, par les autorités, hein, ben croyez-moi bien que ça va freiner beaucoup de gens à voler. Beaucoup de gens vont se tenir de voler. Non. Donc c'est une grande sagesse qui en apparence peut paraître dure pour certaines personnes, mais en réalité, il y a une réforme pour, on va dire, l'humanité entière. Pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. Et le sujet est large là-dessus. Donc Inch'Allah, là, on va entrer dans le hadith At-Tasir, qui lui est très court. Alors, dis-moi, l'explication est très courte, du shir. Donc Inch'Allah, on va le prendre, biznillah. Donc il dit, quand l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي زياد أو أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. طيب لا في اللفظ البخاري وبيتو متفق عليه. Selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, alors accomplissez-le comme vous le pouvez. Et que n'ont été perdus selon ceux d'avant vous, que par la cause de leur grand nombre de questions et leur divergence avec leur prophète. Hein, leur divergence avec leur prophète. Donc le shir dit, ذكر سبب لورود الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أكل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فروني ما تركتكم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أي فلو قلت نعم فكان واجبا عليكم ان تحجوا كل عام فيشق عليكم والدين يسر. Donc il dit qu'il a été cité une cause de la venue de ce hadith qui était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, certes Allah vous a imposé le hajj, alors accomplissez-le. Et certains d'entre eux, comme les sahaba, lui dirent, radiallahu anhum, est-ce que cela a lieu chaque année au message d'Allah? Et il se tut. Il répéta la question trois fois. Et il finit par répondre en disant, si je vous avais dit oui, alors il vous aurait été imposé et vous n'auriez pu le supporter. C'est-à-dire oui, hein, il vous aurait été imposé le hajj chaque année. Et vous n'auriez pu le supporter. Alors après il a dit, Zaloni mataraktukum. Inna Allah farada alaykum al-hajj fahujju. Donc il dit, ne cherchez pas ce que je ne vous ai pas dit, dans le sens, et que certes Allah vous a imposé le hajj, alors faites le hajj. C'est-à-dire, si je vous avais dit oui, hein, le hajj vous aurait été imposé. Il aurait été devenu obligatoire pour vous. Et cela aurait été trop dur pour vous. Et la religion est facilitée. La religion est facilitée. Yusr. Istadallu bihada ala anna al-amr yaqtadi al-wujub. Wa kadha qulu ta'ala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Donc ils ont pris comme preuve de ce hadith, hein, que la forme impérative dans les verbes, que cela implique l'obligation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise un verbe à l'impératif, que cela implique l'obligation. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que prenne dans le sens, que prenne garde ceux qui s'opposent à son ordre, hein, qu'ils ne soient atteints d'une fitna ou d'un dur châtiment. ومن الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب حديث لولا أن أشك لأمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فهذا هو الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب إلى للصارف. Également parmi les preuves que l'impératif implique l'obligation, Il y a le hadith rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, où il dit, si je ne craignais de vous en faire subir trop à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak lors de chaque salat. Hein? Je leur aurais ordonné. C'est-à-dire, cela aurait été une obligation. Le fait qu'ils mettent un ordre. Donc, cela est la base. Que l'impératif, hein, l'amr, l'ordre, implique l'obligation. Hormis en présence d'une chose qui le sort de son contexte. Hein? Pour ceux qui étudieront dans Usul al-Fiqh, il y a plusieurs choses qui amènent à ce qu'un ordre peut devenir, du moins, on va dire, la forme impérative peut amener également à autre chose qu'un ordre. Ça peut amener un acte recommandé, ou ainsi de suite. Il y a plusieurs choses, ça c'est un autre domaine, mais l'origine, c'est que lorsqu'un ordre vient, c'est une obligation. Et si quelqu'un te dit non, c'est un acte recommandé, ou ainsi de suite, alors lui doit amener une preuve qui sorte cette chose-là de la base, de son origine. Un exemple qui est souvent cité, le fait de boire debout, c'est un exemple qui est assez facile, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de boire debout. Il est venu avec un, je ne me rappelle plus du livre du hadith, toujours est-il qu'il est venu sous une forme impérative, qu'il faut boire debout, boire assis, enfin, qu'il faut boire assis. Donc l'origine c'est quoi? Tant qu'on ne connaît rien d'autre, on voit que c'est obligatoire de boire assis. Cependant, il a été rapporté des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu en train de boire debout. Donc de là, cela a amené à quoi? Que cet ordre était venu pour quoi? Pour une chose recommandée. Qu'il est préférable de boire debout. Non. Et les exemples sont très nombreux sur le, ce point. Donc il dit. J'aimerais citer à ce moment-là une parole de Ibn Rajab. Une parole d'Ibn Rajab par rapport à ce qui touche au fait d'accomplir un ordre ou de délaisser un interdit. Car le chien n'a pas évoqué la chose. Car c'est un point important qui peut casser pas mal de choses. Donc Ibn Rajab il dit dans Jami' al-Ulum al-Hikam, قَوْلُهُ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Que si je vous interdis une chose, hein, alors éloignez-vous-en. Et si je vous ordonne une chose, alors accomplissez-la comme vous pouvez. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ أَشَدُّ مِنَ الْأَمْرِ. Que certains savants disent que l'interdiction est plus dure que l'ordre. لِأَنَّ النَّهْيَ لَمْ يُلَخَّصْ فِي ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنْهُ وَالْأَمْرُ قُيِّدَ بِحَسْبِ الِاسْتِطَاعَةِ فَرُوِيَ هَذَا عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. Donc il dit pourquoi? Car l'interdiction, le fait de délaisser une chose, hein, cela est dans l'absolu. Cela est dans l'absolu. Qu'il n'a pas été conditionné la capacité ou pas. Que lorsque tu une chose t'est interdite, délaisse-la dans l'absolu. Alors que l'ordre, lui, dans le hadith, a été conditionné par la capacité de la personne. C'est-à-dire, mastatortum. Comme vous le pouvez. Comme vous le pouvez. Hein? Faites ce que je vous ai dit. Que je vous ai ordonné, faites-le en mesure de vos capacités. Et cette condition n'a pas été stipulée pour l'interdit. Et que c'est une parole qui était rapportée de l'imam Ahmed. وَيَجْبِ هَذَا كُرْ بَعْدِهِمْ أَعْمَلْ بِرْ يَعْمَلُهَا الْبِرْ وَالْفَاجِرْ أَمَا الْمَعَاسِ فَلَا يَتْرُكُهَا إِلَى الْصِدِّيقِ. Et cela ressemble à une parole qui était prononcée par certains d'entre eux, c'est-à-dire parmi les salafs, que les bonnes actions, hein, peuvent être accomplis par le pieux, l'obéissant, comme par le pervers. Le pervers peut faire une bonne action. Et le pieux l'accomplit. Cependant, les péchés, hein, les désobéissances, seul le véridique pieux les délaisse. Combien de personnes désobéissantes font la salat? Combien font le jeûne de Ramadan? Combien font le hajj? Hein? Combien font le hajj? Cependant, est-ce que ces gens-là, je parle des désobéissants, combien d'actes de désobéissance font-ils à côté? Tous font des actes tous accomplissent des désobéissances. Voilà, Azbillah, malgré nous, nous sommes voués à faire des actes de désobéissance. Hein? Il y a Ibadallah, ou il y a Ibadi, il n'a comme tourti un billay ou un nahar, ou un arfilos zulum bajamia. Oh, mes serviteurs, vous vous trompez de jour comme de nuit, et moi, j'efface les péchés, tous les péchés. Cependant, il y a le fait de le faire délibérément ou le fait de perdurer sur les péchés. Et il y a des gens, ils commettent des péchés ouvertement, délibérément, qu'ils soient grands ou petits, et perdurent dessus. Et d'autres qui l'évitent. Bien qu'ils tombent dedans, quand ils savent, ils font Toba, Inch'Allah, ils arrêtent. Cependant là, la bonne action, tout le monde peut la faire. Mais combien sont capables de délaisser un interdit? Peu. Qui sont-ils? Les pieux véridiques. Naam. Et là, il rapporte une parole d'Al-Hassan, Al-Basri, où il dit « Ma ubbida al-abiduna bishi'in afdala min tark ma nahawmullahu anhu » Et qu'il a dit, l'Al-Hassan, que les abidoun n'ont pas été nommés comme cela, qualifiés comme étant des abidoun, des adorateurs, hein, des dévots constants, pour une chose meilleure que le fait qu'ils aient délaissé, pour une chose meilleure qu'ils aient délaissé ce que Allah leur a interdit. Hein, le abid, c'est pas seulement celui qui adore, qui accomplit les actions, les actes d'adoration en apparent parmi les choses obligatoires. C'est aussi qui délaisse ce que Allah lui interdit. Wa an ba'd as-salaf qala tarku danik mimma yakrahu Allah ahabbu ilayya min 500 hajja. Que certains salafs ont dit quoi? Que le fait de délaisser des choses que Allah déteste me sont préférables que le fait d'accomplir, hein, 500 hajj. Car le hajj lui fait allusion à quoi? Au hajj surérogatoire, ceux qui ne sont pas obligatoires. Wa qala Maymun ibn Mihran, zikrullah bil lisan husnun wa afdalu minhu an yadhkura Allah al-'abdu 'inda al-ma'siyah fayumsiku 'anha. Donc il dit le Maymoun, le Mihran, que le fait de se rappeler d'Allah, le rappel d'Allah, l'évocation d'Allah est une bonne chose. D'accord? Mais encore meilleur que cela, le fait que le serviteur se rappelle d'Allah lors d'une désobéissance, d'un péché, et qu'il la délaisse. Hein? Il se rappelle d'Allah alors qu'il va faire une mauvaise action, et de là il la délaisse. Wa qala ibn Mubarak, liyanna arud dirhaman min shubha ahabbu ilayya min an natasaddaq bi 100 alf wa 100 alf. Hatta balaga 600 alf. Donc il a dit quoi, Ibn Mubarak? Que je délaisse un dirham d'une chose ambiguë, c'est-à-dire je ne sais pas d'où il provient, hein, si est-ce qu'il est une chose halal ou haram pour moi, mais préférable, hein, que je donne en aumône 100 000 dirhams, ainsi de suite, jusqu'à ce que cela atteigne la somme de 600 000 dirhams. C'est-à-dire qu'il préfère délaisser un seul dirham sur lequel il doute de sa, est-ce qu'il est licite ou pas, cela lui est préférable plutôt que de faire une aumône d'une somme immense. Wa qala Omar ibn Abdul Aziz, laysat at-taqwa qiyam al-layl wa siyam an-nahar wal takhlit fi ma bayna dhalika. Walakin at-taqwa أداو ما افترض الله وترك ما حرم الله فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. Donc il dit, Omar ibn Abdul Aziz, que la taqwa, ce n'est pas le fait de veiller la nuit en prière, en salat, ou de jeûner la journée, ou de les actes qui ressemblent à cela, de mélanger entre les deux. Cependant, la taqwa, c'est le fait d'accomplir ce que Allah a ordonné et de délaisser ce qu'il a rendu interdit. Hein? Et que si jamais une personne, par contre, accomplit ses œuvres, c'est-à-dire le Qiyam al-Layl et le Siyam, ainsi de suite, avec le fait de délaisser les interdits, alors cela n'est que du bien en supplément de bien. Du bien sur du bien. Ou al-Hasil, donc Ibn Rajab, il dit quoi ? Hasil kalamihim yadullu alana ijtinab al-muharramat wa inqallat afdalu min al-ikthar min al-nawafil al-ta'at fa inna dhalika fardun wa hadha nafrun. Donc la conclusion, la déduction de leurs paroles, des salafs, prouve que le fait de s'éloigner des choses interdites, même si elles sont peu, hein, cela est meilleur que de multiplier les actes surrogatoires, parmi les actes d'adoration. Car le fait de délaisser une interdiction est une chose obligatoire, c'est un fard, maftaradallah alayna. Alors que le reste sont des choses surrogatoires. Et Cheikh Fawzan également, Ravidallahu ta'ala, évoque cela par rapport à ce qui est le fait de citer le fait de délaisser les interdits et d'accomplir les obligations. Il dit Amal nahyu anhu fainahu yujtanabu kulluhu. Donc l'interdiction doit être délaissée entièrement. Lianna at-tark ashalu min al-fi'l. Car le fait de délaisser est plus facile que le fait d'accomplir. والفعل تأتي منه ما تستطيع. Et l'action, tu ne l'accomplis qu'en mesure de tes capacités. أما الترك فهذا لا أحد يعجز عنه. Alors que le délaissement d'une chose, tout le monde en est capable de délaisser une chose. L'interk ashel. ولهذا قال من نهيتكم عنه فاجتنبوه. Donc c'est pour cela qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ai interdit, éloignez-vous-en. ولم يأكل اجتنبوه ما استطعتم. Il n'a pas dit éloignez-vous-en comme vous pouvez. Hein, il n'a pas dit cela. بل قال فاجتنبوه. كل واحد يستطيع أن يترك المنه اللهم إلا في حالة الضرورة. Donc il dit tout le monde est en mesure de délaisser un interdit, hein, hormis dans les cas de darura, de nécessité vitale, hein, des choses qu'on peut, auxquelles on peut échapper. اضطر إلى منه فإنه يفعله من باب الرخصة مثل أن يضطر إلى أن إلى أكل الميتة فإنه يتناوله ليبقى على حياته. Donc il dit que le fait d'enfreindre un interdit, cela n'est permis que dans les cas de darura. Il n'y a que là que cela est permis, comme par exemple une personne qui serait contrainte de manger de la chair morte, hein, dans un cas où il serait en train de périr. Il va mourir de faim et il n'a sous la main que de la viande morte, de la chair morte. Dans cette situation-là, il lui permet d'en manger. Ça, c'est un cas de darura qui est souvent cité. Naam. Donc là, le shir poursuit en disant قوله شيخ يحيى إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. Que n'ont été perdus ceux d'avant vous que pour leur grand nombre de questions. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس جرما من سأل من عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. Que l'une des personnes qui ont accompli parmi les plus grands crimes, qu'il demande à propos d'une chose qui n'a pas été rendue interdite, alors que celle-ci le sera après sa question. Qu'il ait posé une question sur une chose qui était permise, hein, et qu'à cause de sa question, cette chose-là aurait été rendue interdite. هذا الحديث من الأدلة الدالة على تحريم المبالغة والتشدد والغلو وأن الإنسان يبقى على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit ce hadith et parmi les preuves démontrant l'interdiction de l'exagération et de la dureté, hein, et des choses démesurées, et que la personne doit rester et se tenir sur le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Faqad abana Allahu al-halal wal-haram, car certes Allah a déjà éclairci et clarifié ce qui est halal, ce qui est haram. Wa masakata anhu fawa afu. Et ce sur ce quoi il s'est tu, cela est un pardon. Vous voyez, un pardon. Une chose graciée. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم فإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. Du verset là, en fait, dans le sens où Allah dit qu'il ne faut pas interroger, hein, sur une chose que si jamais la réponse te vient au moment où la révélation se fait, qu'à cause de ta question, cette chose-là deviendra illicite pour toi ou obligatoire pour toi, alors qu'elle ne l'était pas. À propos d'une chose sur laquelle Allah s'est tu. Une chose sur laquelle Allah n'a pas parlé, toi tu interroges à son sujet. Il se peut que, à cause de ta question, une chose permise te devienne obligatoire, ou une chose qui était, ou le contraire, une chose qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas comme par exemple le Hajj, au début du Hadith, est-ce qu'il sera chaque année, qu'il se peut qu'une chose qui est obligatoire te soit imposée, que tu l'accomplisses de façon plus nombreuse. Comme le Hajj, par exemple, chaque année. Comme cela est venu dans le Hadith, au début du Hadith. Naam. Fa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عندما ترك الصلاة التراويح بعد أن صلى بهم صلاة الليالي, إنما ترك الاستمرار بهم خشية أن تفرد عليهم, فلا يستطيعون أداءها, فإن في زمن الوحي, وزمن نزول الفرائد, وما إلى ذلك. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé salat al-tarawih lorsqu'il la faisait, alors qu'il l'a fait avec eux trois nuits d'affilée. Il ne l'a délaissé, c'est-à-dire la continuité, par crainte que celle-ci ne leur soit imposée. Hein, par crainte que celle-ci ne leur soit imposée et qu'ils ne puissent accomplir. Car il serait très dur d'avoir à faire tarawih de façon impérative toutes les nuits, pour chacun. C'est-à-dire s'il la délaisse, qu'il aura commis un péché. Donc par peur de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé. Du moins, il accomplit lui tout seul. Car cela avait lieu lors de la révélation. Hein, dans le temps de la révélation. Et également, parmi les choses qui amènent à éviter de poser trop de questions, le hadith qui était apporté par Abu Huraira, nous l'avons déjà pris dans un hadith précédent, où il dit que « Inna Allah yurdi lakum salasan, yakra'u lakum salasan, yurdi lakum an ta'buduhu, wa la tushriku bi shay'an, wa an tatanasahu man wallahu allahu amrakum, wa an tatasimu bi hablillahi jami'a, wa la tafarraku, wa yakra'u lakum kil wa qal, wa kathatul su'al, wa ida'atil mal. » Que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé pour vous trois choses et a détesté pour vous trois choses. Il a agréé pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien. Et que vous prodiguiez le conseil pour ceux à qui Allah aura donné le pouvoir sur vous. Hein? Et que vous vous accrochiez tous, pas de division entre vous. Et il déteste pour vous trois choses. Le qil wa qal, c'est-à-dire les paroles vaines, paroles qui n'ont pas, paroles futiles. Et le fait de poser beaucoup de questions. Et également, le gaspillage d'argent. Hein? Donc, comme nous l'avons dit aussi, kasat souel, le fait de poser trop de questions. Surtout poser des questions sur des choses qui n'ont pas lieu. Quand des gens disent, poser des questions sur des choses qui n'ont pas lieu, qui sont loin d'eux. Mais ils aiment poser beaucoup de questions. Cela dans des cas loin de la réalité. Donc, ça, c'est une chose qui est blâmable. Hein? Et que Allah déteste. Naam. Donc, le shir finit en disant, wa kouluhu, wa irtilafuhum ala anbiya'ihim. Et leur divergence d'avec leurs messagers. Banu Israël, halaku biltanattu. Qala ta'ala, fatrulu baba sujada, wa kulu hitta. Qalu hintatu. Wa habba fi shi'ra. Hadith sukhriya. Wa adam istijaba. Fa ahlakahumullahu kama abanahu fi surat al-Baqara wa ghayriha min al-Qur'an. Donc il dit quoi? Que les fils d'Israël ont péri à cause de leur entrave et de leur abus. Dans le fait de poser trop de questions, là, il ne faut pas. Quand le Ta'ala, « Watrulul baba sujada » Il rentre à la porte en étant prosterné. Et dites « Hinta » c'est-à-dire « rémission hein, » dans le sens. Et eux, ils disent quoi ?« Hinta » Vous voyez ?« Hinta » Et « Hinta », c'est un mot qui veut dire « graine ». Mais le mot en arabe, il ressemble. Hein, il veut dire « graine ». C'est une graine d'orge. Et cela est une moquerie de leur part. Cela est une moquerie de leur part. Et également comme lorsque Inna Allah yamurukum an tasbahu bakara, que Allah, quand lorsque Moussa dit à son peuple, que Allah, dans le sens, vous a dit d'égorger une vache. Eux, qu'ont-ils fait? Ils ont commencé à poser plein de questions. Comment est-elle? Quelle est sa couleur? Ainsi de suite. Alors qu'il leur suffisait juste d'égorger une vache. Et pour leurs questions, car leurs questions étaient à but quoi? De moquerie. Hein, de moquerie qu'elles ne voulaient pas le faire. Donc de là, Allah les a détruits. Il les a fait périr. Comme il l'a démontré dans Surat al-Baqarah et autres dans le Surat du Coran. Donc de là s'achève l'explication du hadith dans notre shir, Hafizahullah Ta'ala. Donc par rapport au fait que lorsqu'il dit Ma martukum bihi fatuminu mastatartum, ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le comme vous le pouvez, cela ne veut pas dire que quelqu'un de sa tête voit il peut pas. Par exemple, quelqu'un dit 5 salats par jour, moi je peux pas. Le hadith dit ça, je peux pas, donc je ne le fais pas. Non. Ça veut dire quoi? Que les salawat, elles te sont obligatoires. Cependant, si jamais tu es malade, tu ne peux pas être debout, tu es blessé, alors tu la fais assise. C'est ça, comme tu le peux. Si tu ne peux pas la faire assise, tu la fais allongée. Ça, c'est ce que tu peux. Et si tu ne peux la faire en étant en état de bouger, alors fais-la par ton cœur et par ta niya. C'est ça que ça veut dire, comme vous le pouvez. Et non pas comme vous le pouvez, selon votre compréhension à vous, mais selon ce que la religion, elle aura décrété. Fabi hadal kod naktafi. On a coulé au hamdoulilah l'an